Quand tombe la merde blanche, en pleine semaine, si loin du dimanche, merde, voilà la giboulée. Je fais une crise d'identité. Je voudrais être un petit bébé qui ne fout rien toute la journée. Quand tombe la merde blanche, quand sur les trottoirs on se déhanche, je revois la gadoue. Ma gorge se noue. Je voudrais être tempête, je veux voir.